comme la Belle au bois dormant, par Jean Lecoq. Une correspondance de Johannesburg signalait ces jours derniers le cas d'une femme de 35 ans, nommée Anna Swan Poel, qui depuis 15 ans est plongée dans un sommeil profond. Tous les 6 mois, elle sort pendant quelques heures de son état cataleptique, mais jamais elle n'a repris conscience au point de pouvoir répondre aux questions qu'on lui posait. On croit que l'état dans lequel se trouve cette femme est dû à l'émotion violente qu'elle ressentit en apprenant la mort subite de son fiancé quelques jours avant la date fixée pour le mariage. Anna Swan Poel tomba alors dans un engourdissement dont il fut impossible de la tirer. Elle est depuis 4 ans dans un sanatorium où les médecins la tiennent en observation. On la nourrit toutes les 2 heures. Une des conséquences les plus singulières de son état et qu'elle n'a pour ainsi dire plus de muscles, ceux-ci s'étant atrophiés jusqu'à devenir aussi durs que des os. Un choc moral, une émotion vive, une peur sont toujours à l'origine de ces états léthargiques. Le déséquilibre nerveux les favorise particulièrement. Ils atteignent surtout les hystériques. Aussi sont-ils beaucoup plus fréquents chez les femmes que chez les hommes. Le cas d'Anna Swan Poel est loin d'être unique, et l'on trouve dans l'histoire de la pathologie nerveuse des phénomènes plus étonnants encore que celui-là. Tel, par exemple, celui de la dormeuse de Tennel. Celle-ci s'appelait Marguerite Boyenval et habitait le petit village de Tennel, près d'Origny-Sainte-Benoît, dans l'Aisne. Sa léthargie fut causée par une grande frayeur qu'elle eut à l'âge de 21 ans. Son sommeil dura 20 ans. Je vous laisse à penser si ce cas de léthargie extraordinaire défraya la curiosité publique. Le petit village de Tennel eut la visite de savants, de journalistes. Les plus célèbres médecins vinrent examiner la dormeuse. Elle eut l'honneur d'une communication à l'Académie de médecine. Le docteur Charcot lui-même, le célèbre spécialiste des maladies nerveuses, se rendit à Tennel et examina Marguerite Boyenval. Un médecin de Lorient qui avait eu, paraît-il, un cas analogue dans son service, formula le diagnostic suivant. Le jour où la malade se réveillera, son réveil sera suivi aussitôt de sa mort. On verra tout à l'heure combien ce médecin avait diagnostiqué juste. Au début de la catalepsie, le médecin du pays qui soignait la dormeuse et tous ceux qui l'avaient appelé à la rescousse employèrent tous les moyens en usage pour la réveiller. Les aspersions d'eau froide, l'éther, les antispasmodiques demeurèrent sans effet. On renonça donc à l'éveiller, et l'on ne se préoccupa plus que d'assurer l'existence de la pauvre fille, qui, passée à l'état de curiosité locale, était devenue pour sa famille un objet de rapport assez lucratif. Le docteur Laborde, qui vit Marguerite Boyenval 10 années après sa chute en catalepsie, raconte que la malade, tenue dans un état d'excessive propreté, avait l'aspect d'une personne en bonne santé et simplement endormie. La paupière, légèrement entrouverte, laissait voir 2 yeux retournés dont le blanc seul apparaissait. La mâchoire était contractée et tous les efforts qu'on avait faits pour desserrer les dents n'avaient eu d'autre résultat que d'en briser plusieurs. Dans ce corps inerte et réduit à l'état de squelette, toutes les fonctions ordinaires de la vie s'accomplissaient naturellement et à l'auscultation, bien que très faible. Les battements du cœur étaient réguliers et perceptibles. Le réveil se produisit au mois de mai 1903. Il y avait 20 ans que la malade dormait. Ce furent d'abord quelques légers mouvements, des frissons courants à fleur de peau, quelques tressaillements, puis des plaintes s'exhalèrent de sa poitrine. La malheureuse était atteinte de tuberculose et pendant son long sommeil, le mal était arrivé à sa dernière période. Le visage, habituellement d'une pâleur de cire, se teinta légèrement de rose. Les membres perdirent peu à peu leur raideur, les mains bougèrent, montant jusqu'à la poitrine, comme pour en arracher la douleur qui la dévorait. 2 jours plus tard, le véritable réveil s'accomplit. La dormeuse se souleva sur son lit et ouvrit les yeux tout grands. Son regard vague parut reconnaître les assistants. Le docteur qui l'avait soigné pendant sa longue léthargie était là. « D'où souffrez-vous ? » lui dit-il. « De partout, » répondit-elle. Et se tournant vers sa mère, elle lui demanda « Quel âge ai-je ? » « 21 ans, ma fille. » C'était l'âge qu'elle avait quand elle s'était endormie. Elle ne parla pas plus. Une forte oppression l'étouffait. Cependant, le lendemain encore, elle reconnut des personnes qui venaient la voir. Mais son œil demeurait hagard. Elle haletait, ouvrait la bouche et ne pouvait respirer. Elle passa une nuit encore, puis au matin, elle s'endormit de nouveau, mais pour ne plus jamais se réveiller. Le diagnostic du médecin de Lorient s'était réalisé. Marguerite Boyambal ne s'était réveillée que pour mourir. Elle avait, nous l'avons dit, dormi 20 ans. Rarement les cas de léthargie ont une telle durée, mais on en a vu cependant qui se prolongèrent plus longtemps encore. C'est ainsi qu'il y a une 20aine d'années, on signala en Espagne, à Villacienzo, dans la province de Burgos, une femme qui venait de se réveiller après un sommeil léthargique de 30 ans. Comme pour Marguerite Boyambal, une grande peur était à l'origine du mal. Cette femme avait éprouvé une violente frayeur en se voyant poursuivie par un taureau furieux. Cependant, le sommeil ne vint pas tout à coup. La malade tomba d'abord dans un état de dépression qui s'accentua peu à peu. Elle ressentit de vives douleurs dans la tête. Son intelligence s'obscurcit. Ensuite se fut la torpeur, puis l'interminable léthargie. Pendant 6 lustres, cette malheureuse demeura immobile, dans la même attitude, en chien de fusil. À l'inverse de ce qui se passa pour la dormeuse de Tennel, la dormeuse de Villacienzo fut complètement privée de soins. Ses enfants et son mari l'abandonnèrent. De temps à autre seulement, on lui versait un peu d'eau dans la bouche, et elle vécut, quoique privée de toute alimentation. Et après 30 années, un beau jour, elle s'éveilla. Bien que dans un état de faiblesse extrême, elle parvint à se lever. Les voisins charitables lui donnèrent quelques soins, et bientôt elle reprit sa vie interrompue. Ce cas est positivement prodigieux. Cette femme avait fait une véritable incursion dans la mort, et cependant elle ressuscita, ayant été réellement morte pendant 30 ans. Le docteur Farès, professeur à l'école de psychologie, qui fit une enquête sur ce singulier cas de léthargie, en a étudié un autre, non moins curieux. C'est celui d'une jeune fille qu'il désigne sous le nom de Gésine M. Celle-ci, à l'âge de 17 ans, avait fait une chute de voiture et s'était légèrement contusionnée à la tête. Quelques jours après cet accident, elle s'endormit pour ne se réveiller que 3 mois plus tard. Plusieurs années passèrent avec des périodes de sommeil discontinu, durant de quelques jours à quelques semaines. Enfin, le 22 novembre 1886, après un réveil de 4 jours, Gésine s'endormit pour ne plus se réveiller que 17 ans plus tard, le 13 novembre 1903. La façon dont se produisit ce réveil est des plus singulières. Un incendie avait éclaté en pleine nuit dans une maison toute proche de celle qu'habitait la dormeuse. Les voisins s'enfuyaient en criant au feu. Le tocsin sonnait. Aussitôt Gésine se réveilla, et d'emblée, elle recouvra sa pleine et entière connaissance. Le docteur Farès raconte que tout de suite, elle appela sa sœur qui, 17 ans auparavant, couchait avec elle, dans le même lit, mais qui depuis s'était mariée et avait quitté la maison paternelle. Quand son père lui apparut, une stupéfaction douloureuse se peignit sur ses traits. Elle le trouvait considérablement vieilli. Elle reconnut sans peine toutes les personnes avec lesquelles elle avait été en relation jadis et les appela par leur nom. Elle demanda sa mère, et quand on lui dit que celle-ci était morte, elle se mit à pleurer abondamment. « Chacun de ses sens, dit le docteur, se remit à fonctionner sans excès ni défaut. Elle savait se tenir sur ses jambes et tourner sur elle-même, les yeux fermés sans chanceler. Mais elle fut obligée de réapprendre à marcher. Bientôt, gaie, alerte, bien portante, elle se remit aux travaux féminins. Mais depuis, ajoute-t-il, lorsque vient le soir, elle craint de retomber la nuit dans son sommeil pathologique. En proie à cette préoccupation, elle dort très mal. Nous pourrions citer maint autre exemple encore de longue léthargie. À toutes les époques, les annales médicales ont enregistré des cas de sommeil prolongé. Ces accès de catalepsie ont dû être plus d'une fois confondus avec la mort, et non point seulement aux époques où la science n'était pas capable de discerner nettement entre la mort et le sommeil. le docteur Pfändler, a signalé naguère le cas d'une jeune fille qui, 13 fois de suite en 3 mois, avait eu des accès de sommeil qui duraient en moyenne 3 ou 4 jours. Une dernière crise survint, et la malade était alors si épuisée que les médecins crurent que cette fois, elle avait succombé. On prit donc toutes les mesures pour les obsèques. Le bulletin de décès était signé, le cercueil commandé, la chambre de la jeune fille transformée en chapelle funèbre. On allait mettre le corps dans la bière quand tout à coup la dorme s'éveilla, et voyant ses parents en larmes autour d'elle, leur dit en souriant « Je ne suis pas morte, je suis trop jeune pour mourir. » Le dernier cas curieux de léthargie qui se soit produit avant celui d'Anna Swanepoel est celui de Caroline Karlsdatter. Cette jeune Suédoise avait 13 ans en 1891, lorsqu'un jour elle s'endormit à l'école de son village. Elle s'éveilla seulement il y a 2 ans, au mois d'avril 1923, ayant par conséquent dormi 32 ans. La petite fille était devenue insensiblement dans son sommeil une forte gaillarde de 45 ans. « Et maintenant, qu'allez-vous faire ?» lui dit un journaliste suédois qui l'interviewait. « Me marier, » répondit-elle, « me marier le plus vite possible. » Caroline Karlsdatter était bien réveillée et ne songeait qu'à rattraper le temps perdu. C'était « Comme la belle au bois dormant » par Jean Lecoq.